Nous invitons à respecter ce lieu que vous allez visiter en adoptant un comportement éco-responsable. La communauté monastique vous invite tout particulièrement à participer à la préservation de ce site. Dernier retour. Pour votre sécurité, vous êtes prié de rester assis durant toute la manœuvre d'accostage et ce jusqu'à ce que le signal sonore retentisse ou qu'un marin vous fasse signe de vous lever. Nous vous souhaitons une bonne journée sur l'île Saint-Honorat. Ladies and gentlemen, we are arriving at the Saint-Honorat Island. We would like to remind you of the return schedules. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 last return. For your safety, please remain seated during the entire docking maneuver until you hear a sound signal or a crew member gives you a sign that you may stand up. We wish you a pleasant day on the Saint-Honorat Island. Ok, messieurs, vous pouvez débarquer, bonne journée.